ce n'est pas de ma faute. Eh oui, les ont dit, ça circule, hein. Ah oui, oui, hein. Y a pas de fumée sans feu. Eh oui, misère. Chanson.